c'était une querelle des injures d'abord, puis à la fin du coup, une femme blessée. Et par qui? Mais par elle. Vous entendez, qu'en répondrez-vous? De tes chansons, et puisque l'on t'a dit de répondre, réponds. Puisque tu le prends sur ce ton, tu chanteras ton air au milieu de la prison. La peste, décidément, vous avez la malesse. Et je n'ai plus rien faire. Vraiment, tu n'y peux rien faire. Non, rien, j'obéis à mes chefs. Eh bien, moi, je sais bien, en dépit de tes chefs et mes vœux, tu verras tout ce que je veux, et cela parce que tu m'aimes. Moi, je me... Oui, Josée, la fleur dont je t'ai vu présent, tu sais, la fleur de la sorcière, tu peux la jeter maintenant, le charme opère. Ne me parlez plus, tu m'attends, ne parlez plus, je le défends.